dans les airs. En quel problème vous vous éjectez, les gars ? Quoi ? Nous volions. Pour la première fois, nous volions. Mais comme si chaque bonne chose avait une fin précoce pour nous, un rapace nous avait pris pour cible. Bender tentait tant bien que mal de lui échapper. Et nous, sur le dos d'une chauve-souris qui se prenait pour un... Top Gun ? Nous, Booze et moi, nous nous accrochions du mieux que nous pouvions au cou de notre monture. Tu veux quoi ? Qu'on saute ? S'il y a un problème, c'est ce qu'il y a de mieux à faire ! Pierre-Jean Grégoire se rapprochait et zigzaguait entre les arbres, tout comme Bender. Plus vite ! Plus vite ! Il se rapproche ! Je fais ce que je peux ! Attention aux branches ! Baissez la tête ! Je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas baissé la tête. Squeak ! Une branche. Aïe ! Je me suis senti partir en arrière. Tout a dû être si rapide. Pourtant, ce fut si lent pour moi. Si terriblement lent. J'ai pris le coin d'une feuille sur la tête. Mon crâne me lança. Je chutais. Lentement. Si lentement. Et quelque chose m'a attrapé en plein vol. Je ne sentais plus rien. Le noir total. I wish. Bender ! Il l'a attrapé ! Le hibou l'a attrapé ! Mais qu'est-ce que je peux faire, hein ? Qu'est-ce que je peux faire ? Mais retourne-toi ! Attaque-le ! Et je suis peut-être un pilote Top Gun, mais en tant que chauve-souris, mon gars, j'ai pas vraiment d'arme adéquate pour descendre un colosse pareil. Et il s'en va ! Et bon Dieu, il s'en va avec Squeak ! Oh, pas bon ça ! Faut le suivre ! Tourne ! Mais tourne ! Ok, on y va ! Le noir. Puis les bruits qui reviennent. Le souffle chaud sur moi. Une respiration. Et les bruits assourdissants. Il se réveille ! Ratis ! Il se réveille ! Pourquoi je peux pas manger le petit être, moi ? J'ai toujours Clara à manger, moi ! J'aimerais bien goûter le petit truc ! Lui, au moins, il a pas de poils ! Le Baif Wesh. Sortez ! Sortez d'ici ! Quoi ? Mais... Vous avez peur de quoi ? Qu'il me chatouille avec ses petites mains ? Bon, d'accord ! J'ai entendu des bruits de pas. Mais il ne marchait pas sur l'herbe, non. Le sol était dur et terriblement froid. J'ai ouvert les yeux, peu à peu. Une grande caverne gigantesque, aux traits si précis. Un immense cube en vérité parsemé ici et là de saillies bien droites. Non, non, une table. Oui, le bord d'une gigantesque table. Où étais-je ? La lumière de la lune semblait passer par une lucarne bien plus haut. J'ai tourné la tête lentement. Il était là, à m'observer de son œil unique, à quelques pas de moi, comme hésitant. Ratis. Le borgne. Notre sort est comme lié, n'est-ce pas ? Tu veux causer ma perte ? Je veux la tienne. Chacun tire la corde de son côté. Lequel sera finalement assez malin pour la lâcher et gagner ainsi la liberté ? Mathis. Qui es-tu, Baif Wesh, pour avoir réussi à te danser contre moi de ta si ridicule petite taille ? Je n'étais pas seul. Doucement, je me suis levé. Regardant autour de moi, une grande porte donnait sur la forêt. Les herbes folles poussaient par endroits entre de gigantesques carreaux pâles qui recouvraient le sol. Tu te demandes où tu es, hein ? Ouais. Tu découvres un autre monde que le tien. Tu as découvert Eon, n'est-ce pas ? Les utopistes, les amis de la nature que sont ces pauvres animaux. N'as-tu pas un seul instant pensé leur être supérieur ? Toi ? Le Baif Wesh qui a eu accès à la technologie, qui a toujours vécu avec. Pourquoi vous ne m'avez pas tué ? Parce que tu es l'un des seuls Baif Wesh encore à ma portée. Les autres, tu les as sauvés, non ? Ce n'est pas ce que je demandais. Dans les galeries aux chutes d'eau, vous m'aviez à votre merci. Vous n'aviez qu'à abattre vos griffes sur moi. Pourquoi avoir hésité ? Son œil unique, rouge, se plissa. Ce n'était plus qu'une fente dans l'obscurité. Il y a tant d'histoires ici. Son œil parcourut la salle, gigantesque, pleine de tables et de chaises à des proportions inimaginables. Un monde de géants. et tout paraissait si froid comme la mort. Tant d'histoires. Je sais où je suis. Vraiment? Oui, Ratis. Vous êtes revenu là où vous ne vouliez pas revenir. Ici même où vous avez fui les humains. Je suis... Nous sommes dans le laboratoire. Le laboratoire. Ratis s'est avancé vers moi sur ses quatre pattes, et sa gueule est entrée dans un rayon de lune. Je voyais enfin son œil mort aux côtés de l'autre, brillant. Ses dents se sont illuminées lorsqu'il a esquissé un sourire. Bah, fouiche.